quadragénaire déjà, j'évoquais le sujet de la décrépitude vers laquelle j'avançais. Vous imaginez bien que 10 ans plus tard, rien ne s'est arrangé à mon grand désespoir. J'ai de plus en plus d'idées, arrêtez surtout, mais pas encore facho, rassurez-vous. Comme tout vieux con, j'affirme avec complaisance, mais non, je ne suis pas vieux, j'acquiers de l'expérience. De l'expérience. Même si ma bonhomie notoire reste la base de mon génome, y'a un vieux con en moi qui prend le pouvoir. Je vous en décris les symptômes.